barque pour noyer sa peine. Si la veine du vin clair revenait par la nuit sereine, le firmament resplendissait, les étoiles étaient en fête, et Pierrot qui seul se vivait disposa en levant la tête. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. C'est votre ami Pierrot qui vient vous voir. Tantôt la perfide, et j'ai peur, oui peur à présent, du logis froid, désormais vide. Je vis là comme un indigent, m'endormir au vent qui frissonne, bercé par vos rayons d'argent, et rêver que je lui pardonne. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Pierrette, quand je vais venir me voir.